adieu d'une petite fille à l'école. Mon cœur battait à peine et vous l'avez formé. Vos mains ont dénoué le fil de ma pensée. Madame, et votre image est à jamais tracée sur les jours de l'enfant que vous avez aimé. Si le bonheur m'attend, ce sera votre ouvrage. Vos soins l'auront semé sur mon doux avenir. Et si pour m'éprouver mon sort couve un orage, votre jeune oiseau cherchera du courage, madame, en s'appuyant sur votre souvenir. Fin du livre.